Oui, Phil, faut que tu vois ça. Hein. Il joue fluide, hein, et il joue sans trop de disto, le père Massim, j'ai vu sur scène. Quand il fait les plans classiques comme ça, toi, t'entends bien les notes. Alors, justement, il joue staccato, la note est tellement brève, parce que comme il joue vite, donc travaille lentement en faisant des notes brèves staccato, et comme ça, quand il ira vite, t'entendras que le beau côté de la note. Et comme ça, l'histoire te fait pas chier. À la limite, faut retirer. Faut retirer, il faut que ça sonne. Faut du gain sur la gratte. Moi j'ai beaucoup de gain, mais pas beaucoup de disto. Juste une légère sature. Comme ça, on entend bien la corde d'acier qui fait staccato, quoi, ça. Eh ouais, tu travailles ces petits plans, eh, je te dis, un peu tous les jours, tous les jours, tous les jours. Moi j'en ai fait des heures, des heures, des heures, en regardant la télé, en faisant autre chose, que ça soit mécanique, mécanique, après, quoi, bah, c'est du bonheur, hein, quand tu le sors. T'as plus à réfléchir. Mais pour tout à l'heure, donc je le dis, c'est plus facile peut-être que de l'écrire, la gamme de la mineure harmonique, il y a beaucoup de morceaux qui sont faits avec cette gamme chez Malsim. Il faut connaître cette gamme par cœur. Alors quand tu es en la mineur harmonique, tu pars du la. Les notes, si tu as repéré tes notes sur le manche, ce sont exactement les mêmes quand tu joues en mi phrygien. Sauf que de partir du la, tu pars du mi. Et pour faire sonner le mi phrygien, si tu réfléchis, le mi, il est fait avec le mi, le sol dièse et le si pour faire l'accord. Et bah tu pars en mi, tu pars en sol dièse ou tu pars en si quand tu es en mi phrygien et tu es le top des leaders, quoi. Et quand tu es en la mineur, bah, c'est pareil. Le la mineur, c'est quoi? C'est notre principale, c'est la, bah, tu pars de la. Sa tierce, c'est do, donc tu pars de do. Ou tu pars du mi, puisque c'est sa quinte. Voilà. L'accord de la mineur, c'est la do mi. Bon, t'évites de pas trop jouer sur le mi quand tu es en la mineur, puisque si tu veux faire la différence avec le mi phrygien, mais tu peux jouer la, tu peux jouer do, ou le septième de la mineur. Insister un peu sur sol dièse, comme ça fait mineur harmonique. Et quand tu passes en mi, c'est tout de suite le mi, ou alors le si, ou le sol dièse, et puis ça fait la transition. Mais les notes, c'est toujours sur les mêmes notes. Partout sur le manche, c'est les mêmes notes. C'est le point de départ qui change, c'est tout. C'est pareil que les modes, une fois on en avait parlé. Si tu connais ta gamme de ré mi fa sol la si do, chaque note, c'est un départ de mode. Donc quand tu as un accord, bah, sur l'accord, soit tu pars sur l'accord, sa tierce ou sa quinte. Et tu joueras jamais faux en faisant ça. Bon, sinon c'est l'heure de l'apéro. Normalement je faisais une pause à 5 h et puis là j'ai pas lâché la gratte. Je vais voir Madame Scaffet et puis voir comment ils ont pris mon abstention au gouvernement là. Si Manu il va filer sa dème.